monte sur la montagne. Ses yeux voient sans posséder. La terre promise s'étend devant lui, mais ses pieds ne la toucheront pas. Tu l'ensevelis de ta propre main. Personne ne connaît son tombeau, car ton œuvre dépasse tes.